a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Flurry did it! But here's a shot! Henderson made a wild stab toward Spell. Here's another shot right by the shore! Et c'est capté. Julian Fairley file jusqu'à la zone début. Touché pour la rougeur. The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field. He's going to go into the end zone. He's going into the end zone. The band have won. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Pierre-Luc Giroux, Sébastien Proulx avec moi ce matin, ça va bien les boys? Super, en pleine forme. Ça va très très bien. Ça va bien, ben moi tout relax ce matin, une bonne nuit de semaine, je suis content. Aussi, comme à chaque semaine, JP Grenier va se joindre à nous vers 10h pour parler football. Hein, c'était la Coupe d'Andemore fin de semaine, victoire de Laval, une bonne dégelée comme on l'avait prédit. Je pense que tout le monde avait prédit. Je sais plus s'il y avait eu des. Je l'ai pas eu exactement. Non, t'avais dit quoi, toi? J'avais dit un écart genre de 16 ou 17 points. Mais... Ouais. J'avais dit 30 points. J'étais un petit peu. Ça a fini 28. 31-7. 31-7. Ouais. Fait que si mes calculs sont bons, c'est 24 points. Je pense que j'avais dit écart de 24 points, moi. Fait que. Bel essai. On va réécouter l'émission, on va voir à ça. D'ailleurs, parlant de ça, si vous voulez réécouter nos émissions, toutes nos émissions sont disponibles sur le www.inconduitedepartie.com. Merci Sébastien pour le lien. Pour ce soir, je vous lance un défi, les gars. On s'en va jouer au bowling. Là. Je dis ça en ondes. Ouais, vas-y. Le meilleur score pour les trois. Là. OK, pas trop. Lance un défi. Et toi, je sais pas si c'est des petites ou les grosses. Là. C'est les grosses, je pense. Pierre-Luc, toi, j'ai entendu dire que t'aimais mieux les grosses. Ouais, okay, c'est les grosses. On parle bien sûr de boules de quilles. Oh, ouais. Moi, je suis un amateur de grosses boules de quilles. c'est pas vrai, l'important c'est pas la taille, c'est ce que tu fais avec. Ouais, on vous redonne des nouvelles la semaine prochaine sur ce super défi. Parce que l'important c'est la taille, n'est-ce pas, Sébastien? Bien sûr. T'as voulu nous en mettre une dans la face, je t'en remets une dans la face. Hein? C'est bon. T'es pogné, hein, là? Ah, ouais. On s'excuse. On s'excuse. T'as un mec shake un peu, là. Je shake tout le temps comme ça. C'est le café. Ouais, c'est ça. Donc, ce matin à l'émission, on vous parle de différents sujets. On va vous parler Patriot, on a plein de nouvelles UFC. Il y avait un galant fin de semaine, il y en a un autre la fin de semaine prochaine. C'est sur Spike TV en fin de semaine. Fin de semaine, c'est sur Spike TV et Sportsnet aussi, qu'il rediffusait un peu plus tard. OK, en délai. Ouais, pour que tout le monde puisse le voir, dans le fond. OK, donc football aussi, Ligue d'Hockey Junior Majeur, c'était le défi, la super série Subway qui débutait hier soir. Après la Russie et les joueurs de la Ligue d'Hockey Junior Majeur du Québec. D'accord, ça se continue demain soir aussi. Parfait, donc on va parler de ça aussi, comme j'ai dit, football et plein d'autres choses. Donc, ça va être une excellente émission. Donc, allons-y tout de suite avec les Patriotes. Hockey. Pierre-Luc, toi, tu me passes junior après la pause tantôt, après la musique, vers 9h25. Manquez pas ça. C'est bon. Donc, manquez pas ça. Pourrais-tu être un peu moins enjoué? Donc, les Patriotes, on le sait, sont fiche parfaite cette année à date, avant cette fin de semaine. 7-0, par contre, s'en allait, 8-0 plutôt, s'en allait dans l'Ouest ontarien là, en tant que tel. S'en allait affronter deux puissances, les Mustangs de Western et les Golden Hawks de Wilfrid Laurier. Donc, deux défis pas faciles du tout. Allons-y avec les résultats. Eh bien, les Patriotes ont connu leur première défaite de la saison contre les Mustangs de Western, c'est par la marque de 5-1, donc ça n'a pas très bien été pour les Patriotes. Qu'est-ce qu'il y a dit? Bon, les tirs, domination totale des Mustangs, 39-19. On sait que les Mustangs avaient participé au championnat national l'an dernier. Ça semble se continuer, les succès de leur côté. Les pointeurs, bon, le seul but des Patriotes est un but... à vrai dire, c'est le premier but de la partie à 27 secondes, donc On a débuté fort chez les Patriots, ça s'est éteint là. C'est le gros trio de Bellevance Martin avec des aides à Breton et Charland. Le troisième de Bellevance Martin pour son troisième tour. Par contre, en deuxième période, bon ben UWO ont vraiment ouvert la machine. Les buts à Baker en deuxième période avec des aides à Martinelli in limit à 11:34. Et c'est en troisième que tout s'est effondré. Des buts à Snow deux fois. Très bon, lui. Un polonais. Donc, Turkwicks, 17:30 en avantage numérique. Et Martin est venu faire son premier aussi de la saison avec des aides, Luc Martin, avec des aides à Corbeil et Swift, donc à 19:05. Les trois derniers buts de UWO ont été sur l'avantage numérique lors de pénalités à Jonca, à Leblanc aussi et à Blanchard. Donc, quand l'avantage numérique et Western sont 3 en 6 dans la partie. Ils sont très puissants. Ils sont très puissants. Puis écoute, quand, de ton côté, quand tu affrontes Anthony Greco, qui est le gardien de Western, le meilleur gardien de la ligue, tu peux pas te permettre justement de laisser des buts en avantage numérique parce que toi, tu vas les revoir dans le visage. Ça sera pas long. Donc, pour les spectateurs, est-ce que tu as regardé 125 oui, personnes? Oui, j'ai 125 personnes au Thompson Arena. Grosse foule. Ben, écoute, je sais pas à quel point c'est bon comme stats. Des fois, là, quand on y a été l'autre fois, là, pis il disait 150, 160 personnes ici à Trois-Rivières, puis je pense qu'il y avait plus de monde que ça. Vraiment plus. Ça avait de l'air plus rempli. C'est ça. Ça avait l'air de 300 à peu près. Oui, ben, en tout cas. Donc, ben, 125, c'est décevant pour une équipe qui est première aussi. Oui, ben, c'est ça. Mais ça il accueille une puissance aussi. Deux des meilleures équipes qui s'affrontent. Que dit, il va avoir Quick Western. Écoute, je vais te sortir ça. J'y vais d'une une théorie, une hypothèse. Mais Western joue en fin de semaine contre les Golden Gales de Queens au football. Ça se peut que la population plus de monde là-bas. Le dollar loisir était plus faible. Je gaz pas tout le monde que c'est gratuit comme ici. Donc, ça pourrait expliquer certaines choses. Deuxième match, c'était le lendemain contre Wilfrid Laurier, les Golden. Golden Ox. C'est une victoire de 5-3 des Patriots sur Laurier. 23 tirs, 21 les tirs dans la partie pour les Pats. Les buts chez les Trifluviens. Chiquan, qui a eu le premier de la partie sans aide. Bradley, du côté de WLU, est venu égaler la marque. Donovan est venu faire son deuxième de la partie avec Chiquan encore. J.S. Breton, son quatrième de la partie avec son quatrième de la saison. On est rendu en deuxième période en passant là. Son quatrième de la saison avec des aides à Charland et Chiquan. Donc, 3 points à date dans la partie pour Chiquan. Et en troisième période, Charland qui met son neuvième. Hey, Francis Charland, neuvième but cette saison. Vraiment le compas dans l'œil pour lui sur le trio avec Breton et Bellevance Martin. Ça se trouve, ces trois-là. Justement, Bellevance Martin récolte une aide. Chiquan, une autre aide. On est rendu à 4 points. Écoute, un but, 3 passes dans la partie pour Chiquan. WLU vient de remonter un petit peu la marque à 4-2. C'est Risk, Jean-Michel Risk, qui fait son septième de la partie. Mais les Vikes marquent son premier. Ensuite, à 3:34 de la période, donc 40 secondes plus tard. Et Bradley vient mettre la marque 5-3, mais la partie était déjà hors de partie et était déjà hors de portée pour Western. Les avantages numériques, 1 en 2 pour les Patriots, donc pas beaucoup de pénalités du côté de WLU. Laurier 2 en 5, donc encore une fois, au niveau des unités spéciales, ça n'a pas été une très bonne fin de semaine pour les Patriots 2-5. Il manquait pas d'éléments défensifs, ou non? Ben écoute, si je regarde... 2 en 5, c'est pas si mauvais. Non, ben, c'est mauvais. Au total, ça fait 5 en 11 en fin de semaine. C'est ça, 5 en 11, c'est pas... C'est presque 50%. Ouais, c'est... Non, normalement, tu essaies de te tenir plus à 20%. 1 sur 10. 2 sur 10, excuse. Donc, 2 sur 5, c'est la moitié, donc c'est du 40%. Là, si mes calculs c'est sont bons. 4 sur 10, 2 sur 5. Tu disais que tu essaies de tenir à 20%. 20%, c'est 2 sur 10. Ça fait 40. Là, c'est 2 sur 5. C'est ça. Fait que c'est la moitié. Ça fait 40 à la place de 20. C'est ça, j'ai là, dit. On comprend. On se comprend. On parle le même texte. Parfait. Donc, comme vous en doutez, bon, ben, le joueur du match, Guillaume Chiquan, dans cette partie. Au niveau du classement de la OUA, bon ben justement, OUA, c'est quoi en français, je m'en souviens, la Conférence Atlantique de l'Ontario. Donc le classement c'est Western, dans l'Ouest, Western qui est toujours premier avec 9 victoires, 2 défaites et 18 points au classement en 11 matchs. Lakehead, deuxième avec 8 victoires, 3 défaites et une nulle. Laurier, 11 matchs, 7 victoires, 3 défaites, 1 nul. Donc, ça leur a fait mal un peu quand même, là, la défaite contre les Patriots, parce qu'ils perdent le deuxième rang. Mais c'est pas fini en tant que tel dans la saison. Du côté de l'Est, UQTR, 9 victoires, 1 défaite en 10 matchs. McGill, deuxième. McGill ont connu leur première défaite de la saison cette fin de semaine. Ils sont 7-1 en 8 matchs. Mais eux, il y avait des matchs à reprendre aussi, donc ils jouent peut-être un peu plus de matchs les mercredis, là, possiblement. Carlton est troisième avec 6 victoires, 4 défaites, 1 nul, 13 points. Mais je dis nul, excusez, c'est des défaites en fusillade, on se comprend. En 11 matchs, Nipissing quatrième. Nipissing qui, après un bon début de saison, commence à se résorber un peu. 12 matchs, 6 victoires, 5 défaites, 1 nul. Donc, ils sont pas dans une bonne séquence présentement. Et finalement, parlons-en, Concordia, qui connaissent probablement un DP des débuts de vie de leur vie. 10e au classement, 1 victoire, 10 défaites, 2 points. C'est pas le temps pour eux autres d'affronter les Patriots. C'est les Patriots qui se pointent là cette semaine à Concordia directement. Donc, Les Patriots devraient être premiers de la, dans le fond, du hockey universitaire au complet à la fin de la semaine prochaine. Si tu regardes les points. Au niveau de l'Ontario. Oui. Mais pas au niveau non, canadien. Non, je parle à l'Ontario. OK, tu parles au niveau de l'Ontario. Ouais, ben, ils sont déjà, à vrai dire. Non, c'est Western qui est premier avec 2 points. Ils ont un match à la main. Fait que normalement, OK, je comprends ton point, oui. Si ouais, en effet, ça dépend de Western, ça dépend de York aussi en fin de semaine. Et il y a une autre partie, c'est contre j'ai un blanc, UIT, donc The University of Ontario Institute of Technology. C'est comme le MIT à Boston, mais oh, comment moins prestigieux. Donc... Donc, parlons un peu des meilleurs pointeurs de la ligue. C'est Brock McPherson de Lakehead. Ben, plutôt de la les duchesses de la sièche. Une fracture de la bouche. Donc, c'est Brock McPherson de Lakehead qui est premier avec 20 points en 12 parties. Paul Bradley de Laurier, 19 points en 10 matchs. Et Scott Dobbin vient fermer le top 3, lui aussi, de Lakehead. 8 buts, 11 passes, 19 points en 11 matchs. Donc, Lakehead, très forte offense, on peut dire, très forte offensive. Le meilleur chez l'UQTR, c'est Francis Charland, qui est au 8e rang avec 10 matchs, 9 buts, 7 passes, 16 points. Et c'est le seul de l'UQTR dans le top 20 de la Ligue. Donc, on peut en déduire assez rapidement que... L'UQTR est vraiment plus défensif comme équipe qu'offensif parce que justement, là, quand ton meilleur marqueur, juste un meilleur marqueur, je pensais que peut-être Breton allait être là-dedans. Breton doit avoir 13-14 points. Là, tu m'en poses une, j'ai pas les stats devant moi. Là, j'ai vérifié, c'était 14. Ok, bon, ben, je vais me fier à toi. Attends, je te sors ça là, dans une seconde. Jean-Sébastien Breton, cette saison. 10 matchs, 4 buts, 9 passes, 13 points, 12 minutes de pénalité pour le joueur. Quand même proche. Pour le numéro 19, position centre de droit, 1987, né le 4 juin, 6 pieds, 185 livres. T'as-tu une autre question? Il a joué avec les Foreurs de Val-d'Or. Et les Remparts de Québec. T'en as-tu d'autres questions comme ça? Ça va aller. Mais Breton, on le sait, sa force, c'est vraiment sur les mises en jeu. Qui est vraiment... Contre la Suède, on avait été impressionné. Incroyable. Et au niveau des gardiens de but, c'est toujours Anthony Greco qui est le meneur au niveau du pourcentage d'arrêt. Si les Patriots en ont juste mis un contre lui, ça n'a pas nuit à la fin de semaine. Donc en 8 matchs, une moyenne d'efficacité de 0.962. Dans la moyenne de but? Ouais. Non, 1.38. 1.38. Je pense qu'il était à 1 la semaine passée. En tout cas, donc très fort. Et Jean-Christophe Blanchard, lui, deuxième dans la Ligue au niveau des buts accordés à 2.44 et un pourcentage d'arrêt de 0.910. Par contre, je pense que c'est à mentionner, on a vu les débuts de Sébastien Comeau cette fin de semaine dans la partie, dans le fond, contre Western, à 5-1, ils l'ont fait. Il a joué la troisième période. Il a accordé 3 buts. Il a accordé un but durant la période, donc une moyenne de 3 et sur 10 tirs, une moyenne d'efficacité de 900. Donc, le joueur de la semaine, comme vous vous en doutez avec sa très grosse partie contre les Golden Knights, c'est Guillaume Chicoine, défenseur de troisième année chez les Patriots. justement contre Laurier, on l'a dit, un but, trois passes dans une victoire de 5-3. Il a présentement une fiche de 2 buts, 8 passes en 10 rencontres, donc il a doublé sa performance au niveau de ses points cette saison. Guillaume complète sa quatrième année au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, ici même à l'UQTR. Donc, on y va avec le top 10. Bon, ben, le top 10, c'est du 3 novembre dernier. Ça va sortir. Le prochain top 10 va sortir les mercredis. C'est UNB qui est premier, l'Université de l'Alberta. Du Nouveau-Brunswick, UNB. L'Alberta vient au deuxième rang. UQTR troisième au Canada. St. Mary's, McGill, Manitoba et Waterloo en septième position. Par contre, avec la défaite de cette fin de semaine, on peut s'attendre à ce que ça descende un petit peu du côté du QTR et que Western monte. Je m'attends à voir Western rentrer dans le top 5 probablement après ça. Le QTR descend peut-être au 5-6e rang. Ça va dépendre un peu. McGill a perdu aussi, donc eux autres aussi devraient descendre. Deux nouvelles acquisitions vont se joindre aux Patriots cette semaine. Ben, c'est après Noël plutôt. On peut dire que c'est un petit scoop un peu qu'on a. Oui, on a entendu parler. Disons-le, là, on a nos sources, on est bien informés. Donc, c'est le retour de Kevin Petit ici même à Trois-Rivières. Lui qui avait joué un an en 2007-2008 avec les Patriots. À l'époque, il avait participé à 27 parties, 9 buts, 10 passes, 19 points. C'est un gars physique. 46 minutes de pénalité. Sa dernière saison avec les Olympiques de Gatineau, il avait récolté 134 minutes de pénalité. Avec une fiche de 58 points, ce qui avait 35 donc été... buts. Ouais, 35 buts. Donc, c'est un ailier droit. Du coin. C'est le gars de la carte de Madeleine. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il va pouvoir sortir. Il va probablement déloger quelqu'un ou du moins sur le troisième trio. Je m'y attends. Donc, c'est-tu Jonca qui est sur le troisième? Je sais plus. Actuellement, je pense que oui. Actuellement, donc, j'ai pas l'information. En tout cas, il y en a un qui va probablement perdre sa job parce que c'est quand même une bonne acquisition. Et en défensive, c'est un ancien choix des Blue Jackets de Columbus en 2006. Maxime Fréchette, défenseur, 6 pieds 5, 214. Gros bonhomme. Pas offensif. Pas offensif pour deux scènes. Mais justement, il a fini son stage junior l'an dernier avec Acadie Bathurst, comme 20 ans. 26 matchs disputés l'an dernier, voyez-vous, 2 passes, c'est ça, 43 minutes de pénalité. Il avait joué en série aussi. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, par exemple, seulement 26 matchs. C'est les blessures. Ou fait que c'était 20 ans, il avait peut-être été descendu. Tu sais, Pierre-Luc, tu peux nous expliquer ça un peu, là, quand, ce qui arrive souvent avec les 20 ans dans le junior majeur, quand il y en a un de trop, ça envoie jouer. 3, quand il y en a un. Non, ils envoient dans le junior 3, puis ça se peut qu'à Noël, justement, il rappelle, il soit échangé ailleurs, puis il vient jouer. Bon, Acadie Batters, avait fait quoi comme année l'an passé? Il était pourri l'année passée. Il était pourri, fait qu'ils ont probablement vendu un 20 ans à Noël, puis ils ont rappelé lui, justement. Mm. C'est une hypothèse, là, mais ça se pourrait. C'est un ancien joueur aussi des Voltigeurs de Drummondville. Il a joué 1, 2, 3, 4 saisons, ben 3 saisons et demie là-bas à Drummondville. Donc, spécial qu'il ait été repêché avec ça doit être un défenseur défensif, parce que regarde ses statistiques. Ouais, mais à 6 pieds 5, tu portes tout le temps... Pourtant, c'était après le lockout qui a été repêché. Ouais, mais ben, tu sais, ouais, pareil. Il y a peut-être un bon patin pareil. Ouais, ouais, en tout cas, ça va être intéressant à voir. C'est un gros bonhomme, tu sais. Donc, on va pouvoir suivre ça. Donc, c'est ce qui conclut pour les Patriots. On va aller en musique. On va aller écouter du Mimi Vanderglow. C'est bien ça, j'ai mis dedans. Ben oui, Mimi Vanderglow avec la chanson 4 pattes. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. On va monter la radio. Une paire de jinx à des sous-vêtements dentaires. Comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Face à face, tout nu dans le salon. À quatre pattes, baby, on ouvre la saison. Oh, Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et c'était Mimi Vandergloo avec la chanson « Quatre pattes ». Donc, si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduitedepartie.com. Il est présentement 9h26. Proulx, Giroux, Ducharme à votre service. Et M. Giroux, c'était le début de la super série ADT. Le défi Subway, ça a changé super de nom. Super série Subway, ça a changé de nom cette année. Donc, c'était le début hier, c'était à Drummondville. À Drummondville, au Centre Marcel Dionne. Oui. Ça a été quand même une bonne partie. Je pense que la game s'est jouée vraiment en deuxième période. La première période a été plus ou moins mouvementée, je vous dirais. Quelques chances de marquer de chaque côté, mais sans plus. C'est vraiment en deuxième période que l'équipe d'André Tourigny, l'entraîneur des Huskies de Rouyn-Noranda, ont explosé. Tout d'abord, le premier but, un but de Philippe Cornette, assisté de Jordan Caron et Patrice Cormier, qui était d'ailleurs le premier trio l'an dernier de l'Océanique d'Rimouski. Ouais, se sont rendus là, jusqu'à la Coupe Memorial. Donc, pas en finale, là, mais qui ont très bien... Ils sont rendus jusqu'à la Coupe Memorial. Ouais. Ils étaient l'équipe haute. C'était l'équipe haute, mais quand même... Caron était de retour de sa blessure. Dans le fond, il est prêt pour le championnat junior aussi, je crois. Il n'avait pas joué bien cette année. Il est prêt pour le championnat junior s'il l'appelle. Parce qu'il avait joué 4 ou 5 matchs. Ouais, il va être au camp. Ouais, il devrait être au camp normalement. Donc, c'était vraiment le premier trio des Océaniques de l'an dernier, qui était le premier trio cette année de l'équipe de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Deuxième but, 2-0, Gabriel Bourque, assisté de Charles-Olivier Roussel. Et le troisième but, Michael Fitzpatrick, assisté de Maxime Sauvé et de Luc Adam. Puis, quelques minutes plus tard, réplique de la Russie, un but de Maxime Karpov à la mi-période. Et ensuite de ça, le tout s'est joué vraiment dans les mains des gardiens de but. Le gardien de la Russie qui a été excellent, Alexander Zalivin. Donc, 53 arrêts pour lui dans ce match. Je pense que ça va être un excellent gardien de but là, pour le championnat mondial des moins de 20 ans là, en janvier. Ça va être un excellent gardien pour la Russie. Là. 53 arrêts hier. Je pense qu'il nous a vraiment montré que ça va être un futur très bon espoir. Là, comment t'écris ça? Zalivin. Zalivin. OK. On fait des recherches. Écoute, je suis curieux de voir si... Il n'a pas été repêché. Non. Mais c'est un 1990, donc... éligible. Cette année, je crois. Donc, c'est ça. 6 pieds, 172 livres. Quand même une bonne carrure. En tout cas, je pense qu'il a vendu des billets hier soir. Ben ouais, c'est certain qu'il y a... Parlant de billets vendus, il y en avait une couple de pas vendus, justement. J'avais remarqué, les bancs étaient vides. La première rangée était vide. La première en avant, c'était vide. Peut-être parce qu'aussi dimanche, les Voltigeurs avaient un match aussi à Drummondville contre les Remparts. Donc, c'était comme deux matchs en deux soirs. Non, mais c'est différent. Pour la ville de Drummondville, c'est différent, c'est certain. Mais c'est sûr, la foule, en passant, on n'a pas eu l'assistance totale. Ils n'ont pas sorti d'assistance, je sais pas si c'est parce qu'elle était pas assez bonne, mais mais non, c'est vrai que j'ai remarqué moi aussi hier qu'il y avait beaucoup de bancs vides, on voyait vraiment les bancs bleus là, de l'aréna. Ça va être intéressant de voir si Shawinigan... À Shawin, ils n'ont pas le choix parce que s'ils veulent accueillir, mettons, la Coupe Memorial en 2012, il va falloir quand même démontrer que... Ouais, ils n'ont pas le choix. Géant du public. Le monde a toujours le choix, c'est eux autres qui n'ont pas le choix. Là, oui, le fond, mais là. Pour l'image... C'est peut-être mieux qu'il y ait du monde. Oui, pour l'image, mais tu sais, je veux dire, à quel point ça va vraiment influencer moi, ça, personnellement. Ça l'influencera pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment, quand ils font la campagne, ils vont vraiment visiter toutes les villes, puis c'est là que ça se choisit. Là, c'est pas vraiment... On va voir ça. Ouais. Mais c'est sûr que ça peut aider. Quand il y a un événement qui se passe dans ta ville. Je sais pas s'il restait des billets, justement. Pour, oui, il en reste encore. Il en reste encore. Donc, faudrait quasiment appeler là-bas à Shawinigan pour avoir d'informations là-dessus. S'il reste des billets, on a une pause qui s'en vient. On va voir si on peut faire ça. Donc, c'est ça. Et du côté des gardiens de but, du côté de la Ligue junior majeure du Québec, on a commencé avec Jake Allen, qui a été excellent. J'ai vu un arrêt qu'il a fait en début de deuxième période. Et wow! Jake Allen, encore une fois, là, très étincelant devant son but. A accordé aucun filet hier. Le seul but qui a été alloué a été par Olivier Roy, lui qui avait remplacé Jake Allen à la mi-période. Donc... C'est ça. Donc, Olivier Roy qui était le deuxième gardien. Ce soir, ça sera, demain soir plutôt, ce sera Maxime Clermont des Olympiques de Gatineau et Louis Domingue des Wildcats de Moncton qui seront devant les buts. Est-ce que vous voulez parler un peu de l'équipe de la Ligue du junior majeur du Québec? Oui, vas-y, vas-y. Donc, on va parler un peu des défenseurs. Donc, tout d'abord, on a Marc Barberio des Wildcats de Moncton, Nicolas Deslauriers, Simon Després, Brandon Gormley, qui est des Wildcats de Moncton. Il y a beaucoup de monde que je connaissais pas beaucoup, comme Fitzpatrick. Des gars de l'Est. Oui, souvent des gars des Maritimes qu'on entend moins parler, pourtant des excellents joueurs. Donc, on a Hubert Labrie, on a Charles-Olivier Roussel, des Cataractes de Shawinigan, justement. Yann Sauvé, David Savard. Yann Sauvé. Choix de première roue. Oui, mais Yann Sauvé disait ça, c'est son quatrième défi Subway. Donc, en espérant que ça débloque pour lui. C'est un choix de première ronde. Pittsburgh. Pittsburgh. Vancouver. Qui que Pittsburgh a pris? Ils ont pris Simon Després. Ah, OK, Després, okay, c'est ma gaffe, c'est bon. Et Marco Scandella, qui ratait d'ailleurs le premier match hier là, à cause d'un mot de tête. Là, on ne sait pas si c'est trop la H1N1 qui lui court après. Mais Marco Scandella n'était pas là hier soir. Son cas sera réévalué aujourd'hui. On a dit hier qu'il allait jouer mercredi. Donc, à moins que ça se peut que ça aille, son cas, son état se détériore. Mais sinon... Ça se pourrait très bien. Son cas était supposé être évalué aujourd'hui. Mais si on dit hier, là, probablement qu'il était correct déjà. Ce côté des attaquants, Luke Adam des Screaming Eagles du Cap-Breton, Michael Bournival des Cataractes, Gabriel Bourque, Jordan Caron, Patrice Cormier, Philippe Cornette, on l'a dit, le trio, l'ancien trio de l'Océanique de l'an dernier. Philippe Cornette, lui, qui est maintenant rendu du côté de Rouyn-Noranda, dans sa ville natale. Sean Couturier, bien sûr, des Voltigeurs de Drummondville. Nicolas Deschamps, des Saguenayens. Gabriel Dumont, des Voltigeurs. Philippe Paradis, des Cataractes. Et Marc-Olivier Vachon, des Voltigeurs, lui aussi. Ensuite, on a Michael Kirkpatrick, justement, que je parlais récemment, que je ne connaissais point comme joueur et j'ai vu évoluer hier. Et un excellent joueur, le Kirkpatrick. Jacob Lagacé, des Saguenayens. Maxime Sauvé, des Foreurs. Et Casely Tessier, des Remparts de Québec. Donc, voici l'alignement de la Super Série Subway pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui reprendra demain soir au Centre Bionès à Shawinigan. Ben, c'est bon ça, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. Donc, on va aller à une pause, on a une petite chanson après et on vous revient pour le reste des nouvelles du hockey junior québécois. Vous écoutez la conduite de partie sur C'est fou. Le Noël du pauvre est fier de présenter son 51e Téléthon le vendredi 4 décembre sur les ondes de la télévision de Radio-Canada, Mauricie. Pour chaque dollar versé, 92 sous retourneront directement en dons pour les plus démunis dans le secteur où l'argent aura été recueilli. Desjardins, Stratos Pizzeria, les pharmacies Jean Coutu, Sears, Radio-Canada, Mauricie et C'est fou 89.1 FM sont fiers d'être partenaires de la 51e édition du Noël du pauvre. Vous pouvez faire parvenir vos dons avant le 4 décembre au casier postal 141 Trois-Rivières, G9A 5E3, ou venir les porter directement à la salle Jean-Antonio Thompson le 4 décembre prochain. Le Téléthon débutera à 17h et se poursuivra jusqu'à minuit. La 51e campagne du Noël du pauvre, une tradition de générosité. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Parce que vous êtes surchargé au niveau de vos études et de l'emploi que vous devez assurer en dehors de vos études, vous avez besoin de repos de temps en temps. Et la Bible dit que ce repos est en Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu. Si tu es un étudiant qui veut faire de bonnes actions pour toi et la communauté, ta place est avec nous. Viens partager avec nous la parole de Dieu. À tous les mercredis, entre 13h15 et 14h15, au 1031 Néribaud-Chemin, à la chapelle de l'UQTR. Pour de plus amples renseignements, 819-244-9779 ou par courriel à l'adresse ashilohacommercialhotmail.com.

Pour ceux qui connaissent pas Damn Crook Vulture, c'est un nouveau un peu super band, si on peut dire, avec Dave Grohl à la batterie. Dave Grohl, que vous connaissez peut-être comme le chanteur des Foo Fighters ou ancien batteur de Nirvana. Josh Homme à la voix et à la guitare, qui lui est de Queens of the Stone Age. Et John Paul Jones, le légendaire John Paul Jones à la basse, qui lui était de Led Zeppelin. Et on vous joue ça parce que c'est fou, la seule radio à Trois-Rivières qui vous joue du vrai rock. Donc, on continue avec le junior majeur Pierre-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans le plus régional au niveau du junior majeur? Oui, ben, tout d'abord, juste rappeler, là, pour revenir un peu sur la super série Subway, pour, dans le fond, le match demain, il va y avoir un tailgate party dès 17h. Donc, il va y avoir un chapiteau là-bas. Donc, ça devrait être pas pire. Donc, si vous voulez vous rendre, là... à l'avant-match au tailgate, là, je pense que ça va être un événement qui va être très apprécié. Puis c'est rare quand même qu'on voit des tailgates à Shawinigan, donc ça serait peut-être bon d'y participer là, pour demain. Oui, il y en avait eu un, je pense, au début de la saison, si je me trompe pas, mais à part de ça, c'est pas... Il semble qu'il n'y en a pas à tous les games, là, à moins que je l'aille manquer quand je vais, là, mais... Sinon, en tout cas, non. Continue. Les cataractes de Shawinigan, quant à eux, ont une semaine plus... qu'ils l'ont passé dans leur lit, comme on dirait. Donc, plusieurs personnes ont la grippe... Très bien dit. Donc, plusieurs personnes ont la grippe H1N1. Plusieurs joueurs sont touchés par cette épidémie. Donc, tous les matchs cette semaine, ils avaient 3 matchs dans les Maritimes cette semaine. Ils ont tous été reportés. Donc, le match contre Halifax, l'Île-du-Prince-Édouard et Acadie-Bathurst n'ont toujours pas été cédulés dans le calendrier de cette saison. On ne sait donc toujours pas où qu'on va placer ces matchs, puisque c'est sûr que le calendrier des cataractes est assez chargé d'ici la fin de la saison. Donc, où placer ces matchs dans les Maritimes, c'est quand même assez difficile. Est-ce que la saison finira plus tard ou on ne sait pas. Ça m'étonnerait bien gros. C'est assez surprenant parce que pour les séries éliminatoires, c'est déjà le calendrier est déjà prévu. Quoi que selon les médias, on va tout être mort rendu au moment des séries. Donc, il n'y en aura pas de séries cette année. Non, hein? On va tout être décédé de la H1N1. C'est pas de doute. Je veux dire, ça n'a pas encore tué quelqu'un qui était en pleine santé, mais c'est pas grave. C'est quand même urgent de se faire vacciner. Ouais, c'est très urgent. Faites-vous vacciner! Donc, ça a été très tranquille, comme je l'ai dit, du côté des cataractes. Normalement, on devrait reprendre l'action cette semaine face au Rempart vendredi au Centre Bien-Être. Donc, le prochain match des cataractes ça devrait être ce vendredi. On se transporte maintenant du côté des Tigres de Victoriaville. Ils avaient quelques matchs cette fin de semaine. Tout d'abord, ils recevaient les Maniacs de Lewiston. Ça se passait mercredi soir passé. Donc, les Tigres qui ont joué du hockey de rattrapage pendant toute la partie. Tout d'abord, en première période, les Maniacs ont pris l'avance 2-0. Les Tigres ont nivelé la marque à 2-2. Un autre but des Maniacs pour faire 3-2. Mais c'est finalement les Tigres qui ont eu le dessus en marquant 2 autres buts en troisième période pour donner la victoire aux Tigres. Les buteurs du côté des Tigres, Joël Chouinard avec 2 buts et Thomas Kubalik, lui aussi, 2 buts. Donc, donc 2 buts sur 4 en avantage numérique. 2 en 8 dans les avantages numériques pour les Tigres et 1 en 8 pour les Maniacs. Les Tigres ont été très, très dominants dans cette partie. 44-30 dans les tirs. Donc, c'est le gardien Jordan Kennedy qui jouait seulement son 2e match dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui devait affronter les Tigres. Il l'a très bien fait. 40 arrêts dans ce match. Donc, ça a bien été pour ce jeune homme Kennedy. Kevin Poulin était devant les buts pour les Tigres. Il méritait sa 11e victoire de la saison. Le vendredi soir, on recevait les Olympiques de Gatineau. C'est un duel au sommet, comme on dit, avec 2 des 4 meilleures équipes de la Ligue qui s'affrontaient. Et les Tigres ont eu le dessus dans ce match par une victoire de 4-1 sur les Olympiques. Les buteurs Thomas Kubalik, Marc-André Laroche, Brendan Hines, qui en était à son 16e de la saison. Ça va très bien pour ce Brendan Hines. Et Travis McIsaac, qui a eu le 4e but. Donc, ça a été très, très serré comme match. 28-28 dans les tirs. Et 1-6 pour les Tigres en avantage numérique. Le seul buteur du côté des Olympiques est Alexandre Kennel. Et c'est Maxime Clermont, le gardien de but des Olympiques, qui méritait sa 8e défaite d'affilée. Kubalik est quand même rendu à 31 points cette année en 22 parties. Donc, excellent. C'est une lancée sur 70 matchs, 68 matchs. Ça fait fait un bon total. Là, je l'ai pas fait fois 3. Ça fait, il devrait approcher la marque des 100 points là, en tant que tel. Il n'y a pas de joueur qui se démarque à comparer les autres années non plus. Ben, l'an passé, c'était une bonne lutte entre Yannick Rindeau, Cédric Lalonde-Mégo. Non, mais il y avait des gars de 2 points par match les autres années. Cette année, il n'y a pas vraiment. Ah, ben ça a changé hein, un peu. Fait une couple d'années qu'il n'y a pas eu ça. Ben Rindeau, l'année passée, était. Ouais, Rindeau a fait 115, 118. Il avait fait. Attends, on va te sortir ça. Donc, mais tu sais, je veux dire, ça a changé par rapport au temps où est-ce que tu avais des. Même remonte à l'époque de Simon Gamache, là. Tu sais, le temps qu'il monté au filet pour un joueur de hockey, un joueur de la Ligue majeure, c'était une belle highway, là, comme on dit. Ouais. Moi, je me rappelle de Mike Ribeiro. Il jouait avec Karl Mallette, je pense. Gamache, Mallette, puis je sais pas c'est qui l'autre. Mais Lombardi? T'as pas Lombardi qui jouait? Sûr. Ah non, Gamache, toi, tu parles? Ouais. Non, Gamache, il était avec les Foreurs. Il jouait pas avec Mallette. Mallette jouait avec Vito. C'est dans le temps de Mallette que c'est... Ou Mallette a joué à Val-d'Or? OK, ça se pourrait. Qu'il jouait à Val-d'Or. 184 points de Gamache en cette année-là. 184. Je vois avec Brandon Reed. Brandon Reed. Parce que vois-tu, Yannick Rindeau a fait l'an dernier 126 points, 64 presque games. Presque 2 points par match. Ouais, c'est vrai. Ça se déroule pas comme ça cette année. Là. C'est à peu près 1.5 points par match au maximum. Presque 2 points, ouais, c'est vrai. Presque 2 points. Non, c'est ça. Ouais, il y a en effet moins de monde cette année qui monte tout seul en haut. Là, ouais. Quelqu'un qui se distingue. Là. Mais la défensive est meilleure aussi au niveau de la ligue entièrement, là, je pense. Il y a plus d'équipes aussi cette année qui aspirent aux grands honneurs que l'an dernier. L'année passée, ça joue en 4 équipes. Cette année, je peux vous dire qu'on joue en 6-7, puis si c'est pas 8 équipes. Ben, c'est les remparts qu'on s'attendait d'avoir en haut qui sont un peu décevants aussi. Là. Très décevants. Donc, voyez-vous, présentement, les meneurs de la ligue, là, c'est un duo Rouyn-Noranda, c'est Gabriel Lévesque avec 39 points, Philippe Cornet avec 36, puis Marc-Olivier Vachon avec 35, Luke Adam 34, après ça, Jonathan Zinn. Combien de matchs? Qui ça? Ben, le premier. 28, puis Cornet en a 26, puis Vachon en a 24. Moi, Adam devrait finir premier marqueur. Luke Adam. Ben, Jonathan Zinn était vraiment bien parti au début de la saison. Ouais. Ça a ralenti un peu. H1N1. T'es-tu sûr, toi? Oui. Ouais, il a pogné la chaîne. Bon, un autre. Il s'en est sorti. Ouais, je m'en doute. On aurait plus entendu parler que ça. Ça a pas été long qu'il revenait au jeu, contrairement aux joueurs des Cataractes, là, qu'en ce moment, ça a été plus difficile. Là. Mais ouais. Jonathan Zinn s'en est sorti quand même assez. Ben, ce qu'il y a avec les joueurs des Cataractes, c'est que quand t'en as juste un et t'es capable de l'isoler, c'est correct. Mais quand t'en as deux, trois et t'en as six autres qui montrent des symptômes, bon, ben, on va isoler tout le monde. Ouais, parce c'est que ça on met devient... tout le monde en quarantaine. Surtout, c'est surtout que dans le junior, tu voyages en autobus, tu as un bon incubateur. Là, on s'entend, un autobus, là, ça, puis un avion. Là, c'est... Ouais, c'est clair. Quand tu t'en... Puis il s'en allait dans l'Est en plus, l'autobus t'en fait pendant 10 heures. Fait que... Ouais. Il y en fond de l'autobus. S'il y a quelqu'un qui l'a au début du voyage, tout le monde va l'avoir à la fin du voyage. Ça va faire assez vite. Ouais, c'est ça. Ça, c'est clair. Donc, on va continuer maintenant avec les Voltigeurs de Drummondville. Ils avaient 3 matchs cette semaine. Tout d'abord, mardi dernier, ils affrontaient le Junior de Montréal au Colisée de Verdun. À l'auditorium de Verdun, désolé. Donc, ça a été une victoire facile des Voltigeurs par la marque de 6-2. Sean Couturier, 2 buts. Alexandre Comtois, Gabriel Dumont et Philippe Bergeron ont été les buteurs pour les Voltigeurs. Du côté du junior, Vincent Bourgeois a un but en avantage numérique et Jérémy Gouchy un but en désavantage numérique. La première étoile du match a été vraiment Sean Couturier, lui qui a eu le premier et le 5e but des Voltigeurs. Une autre domination là, du côté des tirs, 41-18 pour les Voltigeurs dans ce match. Jake Allen a quand même resté pendant tout le match devant les buts. Lui qui a fait 41, donc 35 arrêts dans le match. C'est quand même, quand même très, très bon. Une chance qu'il est là, Allen, du côté du junior, parce que sinon, ça serait encore pire, je crois. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus là à Noël, par contre. Non, je pense qu'à Noël, une équipe comme les Remparts aurait peut-être besoin d'un gardien numéro 1. Pourtant, Peter Delmas, c'était supposé d'être la grosse acquisition. Là. Mais pourtant... Qu'est-ce qui se passe un peu avec lui? Je vous dirais que Jean-Philippe Gagnon et Peter Delmas se séparent, comme on dit. La tâche. Ouais, se séparent la tâche. Des fois, ils disent que avoir deux gardiens qui se battent pour le premier, c'est quasiment mieux qu'en avoir rien qu'un. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment chez les Remparts. Sauf que vu qu'on s'attendait à une domination de la part de Delmas, Jean-Philippe Gagnon prend beaucoup de confiance. Quel âge, Jean-Philippe Gagnon? 18, 17, ça sera vérifié. OK, on va mettre un recherchiste là-dessus. Ouais. On a plusieurs recherchistes ici en studio. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Donc, c'est un ordinateur en avant de toi, tes recherchistes. C'est pas long, non, c'est pas long. Donc, on se transporte maintenant du côté toujours de Drummondville, vendredi soir, alors qu'ils recevaient à leur tour les Maniacs de Lewiston. Ça a été une victoire un petit peu plus facile pour les Voltichas, contrairement aux Tigres qui l'ont eu un petit peu plus difficile. 54-26 dans les tirs dans ce match. 54-26. C'est le double. Un bon blowout. Là, c'est le double des tirs. Et victoire de 6-3 des Voltichas. Jonathan Brunel, 2 buts. Benoît Lévesque, 1 but. Charles Landry, 1 but. Mathieu Milsey et Andrew Pala ont été les autres buteurs du côté des Voltichas. C'est Antoine Tardif qui méritait sa 15e victoire de la saison. Et Adrien Lemay, tant qu'à lui, qui a très bien fait quand même dans la défaite, avec 48 arrêts dans ce match. Adrien Lemay, qui est un excellent gardien. On parle de Peter Delmas, ouais, justement. Adrien Lemay, qui était comme le 2e gardien des Maniacs. Finalement, Adrien Lemay a plus de succès cette année que Peter Delmas. Ah ouais? Ça a été quasiment mieux pour les Remparts d'aller chercher Lemay qu'aller chercher Delmas. Tu ne pouvais pas le savoir en tant que tel. C'est parce que Lewiston mangeait tellement des volées l'an passé que tu t'imagines que leur gardien doit être bon. 26, je pense, Delmas l'année passée. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, regarde Patrick Roy dans le temps, là, à Granby, s'il y a un gars qui a mangé du rubber, là, c'est lui. S'il y a un gars qui sentait la rondelle après le caoutchouc après la partie, c'est bien lui. Martin Brodeur, c'était la même chose à Saint-Hyacinthe. 8-26, mais il était repêché en deuxième ronde. Ben, c'est ça. Ça veut rien dire. Il savent avec quelle équipe que tu joues et qu'est-ce que tu en avant de toi aussi. Sauf que là, c'est surprenant en tant que tel au niveau de Delmas qui livre pas à marchandises, parce que pour le reste, on s'entend que les Remparts sont une bonne équipe. Stéphanovic, ben, je vous dis qu'il manquerait chez les Remparts, il manquerait un défenseur. Un bon défenseur, c'est qu'est-ce qui manque chez les Remparts. Du côté offensif, on a une excellente équipe, mais du côté défensif, c'est tout autre chose. Il faudrait aller chercher un bon défenseur pendant les fêtes, puis après ça, ça va être numéro 1. Gagnons 19 ans. Non, la semaine prochaine, mais c'est un petit gardien. 5 pieds 8, 161. Ouais, c'est vraiment assez minuscule. C'était en 1990, il y a 18 ans présentement. Ouais, mais le 27 novembre, il va avoir. Bonne fête, Jean-Philippe. c'est aujourd'hui, dans le fond, c'est. Non, 27. 27 novembre, j'ai compris 17. Donc, du côté des. On se transporte maintenant dimanche contre les Remparts de Québec. On en parlait justement. Les Remparts qui ont montré leur croc, comme on dit. Donc, victoire des Remparts 5-4. C'était 3-1 pour les Voltichas en deuxième période. Mais les Remparts ont fait 4 buts en 5 minutes. Donc, ça a été toute une remontée des Remparts de Québec. Finalement, les Voltichas sont venus réduire l'écart à 1 but à la fin de la troisième période. Mais il était trop peu trop tard. Donc, victoire des Remparts 5-4 sur les Voltichas. Les buteurs du côté des Voltichas: Marc-Antoine Desnoyers, Jonathan Brunel, Philippe Lefebvre et Alexandre Comtois. Et du côté des Remparts, Michael Tam, 2 buts. Ryan Bourque, le fils de Raymond, 2 buts. Et Julien Corriveau qui a l'autre but. Donc, victoire des Remparts. 2-5 dans l'avantage numérique pour les Remparts. Je pense que ça l'a paru, comparativement aux Voltichas qui ont 1-4. C'est Antoine Tardif qui était devant le but pour les Voltichas. Il a été remplacé par Frédéric Piché après le 5e but des siens. Pas des siens, mais des Remparts plutôt. Et Jean-Philippe Gagnon, justement, qu'on en parlait dernièrement, c'est lui qui a mérité sa 8e victoire de la saison. Une fiche de 8 victoires, 5 défaites pour ce Jean-Philippe Gagnon cette année. Ryan Book, t'es un petit peu plus grand que son frère Christopher. Christopher qui est 5 et 7 maximum. Il est bâti. Mais vois-tu, Ryan, c'est 5 et 9 selon la Bible hockeydb.com. 5 et 9, 163 livres. D'être plus gros que ça. Ben, là, Christopher est plus gros, plus vieux aussi. Là, t'as bâti. Non, mais il était repêché, il était quand même assez gros. Ah, déjà, vois-tu, mais en tout cas, on va voir si ça peut donner de quoi, mais ça reste. Le père, il mesurait comment? Je sais pas si tu te souviens un peu. 5 et 11. Doit être la mère qui est petite. La mère qui est petite. Je peux. C'est-tu con? 6 pieds, Raymond. La mère, c'est Raybourg. Raymond. 6 pieds, Raybourg. Vois-tu, Chris Bourque, 1986. 5 pieds 8, 180 livres. Donc, en effet, un petit peu plus petit. Mais. OK, c'est correct. J'ai pas. Malheureusement, les statistiques d'hockey ne disent pas la grandeur de la femme de Raymond Bourque. Mais on... Ryan Book, depuis le début de la saison, a eu des bons moments en début de saison. Je te dirais que dans les derniers temps, avait un relâchement. Ouais, un petit relâchement. Puis je pense que ça a fait du bien, là, cette victoire contre les Voltigeurs. Il a fait 2 buts dans la victoire. Donc, ça va peut-être le relancer pour la fin de la saison. Les Remparts, justement, qui avaient connu la semaine dernière une fin de semaine de 3 défaites, n'avaient pas le choix de se relever. Ils ont dit, les Remparts, un nouveau départ. On l'espère, en tout cas, un nouveau départ pour les Remparts, parce que ça n'allait vraiment pas bien dans les derniers temps. Eux, qu'on s'attendait à avoir facilement au premier rang là, du classement général, et ce n'est pas du tout le cas. Ton troisième, hein? Son troisième en ce moment au classement général. On va parler maintenant des petites nouvelles comme ci, comme ça, de la Ligue d'Hockey du Québec. Donc, 4 individus vont être intronisés au Temple de la renommée de la LHJMQ. Ça sera présenté le 31 mars prochain à l'hôtel Yacht Regency à Montréal. Donc, 4 personnes seront intronisées, dont 3 joueurs et 1 bâtisseur. Tout d'abord, le premier joueur est Gilbert Delorme, qui a évolué pour les Saguenayens de Chicoutimi. Pendant 213 matchs, il a accumulé 65 buts, 212 passes, 277 points. Donc, 217 points en 213 matchs. C'est pas du 2 points par match non plus, Sébastien. Et maintenant, propriétaire d'un Tim Hortons. C'est un défenseur aussi. Ouais, c'est ça. C'est un défenseur. Mais attends un petit peu, je vais te sortir d'autres tapes. Donc, on a Richard Leduc aussi, lui, qui a évolué avec les Ducs de Trois-Rivières pendant 2 saisons. Les Ducs? Donc, ici, ouais, les Ducs de Trois-Rivières. Avant les Draveurs, il y a eu les Ducs. Oh! Donc, je viens de me les Ducs de Trois-Rivières, lui, avait accumulé 117 buts, 166 passes, 283 points en 114 matchs. Ça, c'est 2 points par match. C'est un attaquant, ça. Ouais. C'est un attaquant. Lui qui a évolué pendant l'année 1969-70 et 70-71 avec les Ducs de Trois-Rivières. Le troisième joueur qui sera intronisé, Yannick Perrault, lui qui a évolué 3 saisons, encore une fois avec une équipe de Trois-Rivières. Cette fois, c'est les Draveurs. Donc, en 88-89, il avait amorcé 108 points à sa saison recrue. Donc, il avait aidé justement les Draveurs à finir premier dans la saison régulière. 87 buts en une saison, cette dernière saison avec les Draveurs. Ouais. On se rappelle, Yannick Perrault, on se rappelle de la fameuse du match des étoiles qu'il y avait eu entre la Ligue de l'Ontario et la Ligue junior majeure du Québec au Forum, Lindros contre Perrault. Puis je pense que Perrault avait fait un tour du chapeau dans cette partie-là, déclassé Lindros totalement. Moi, je m'en rappelle pas, j'étais peut-être un peu jeune. Ouais, dans ce t'étais plus jeune que nous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, que nous, tout 24, j'ai 25. 22. Fait que, on est d'une autre époque, moi, puis Sébastien, par rapport à toi. Je me rappelle plus de lui pour les mises en jeu. Ça a vraiment été un des meilleurs que j'ai connus. Ah, écoute, Yannick Perrault, je vois son meilleur jeu. Son meilleur hockey sur les mises au jeu, son deuxième meilleur hockey, il jouait sur le banc. Le match qui se passe, ça doit être dans les années à peu près 80. C'est 90-91. Ouais. J'avais 3 ans. En temps de Ross Pearson, Eric Lindros. Ouais, Brent Thibodeau. en veux-tu d'autres, là? On va t'en sortir. Là. Pat Peak. Donc, la 4e personne qui a été intronisée au Temple de la renommée est un bâtisseur, Maurice Tanguay, lui qui a acquéri l'Océanique de Rimouski depuis 1995. Il a d'ailleurs mené son équipe à la Coupe. Ben, mené son équipe, c'est pas vraiment lui, mais c'est plus le directeur général, etc. Mais c'est quand même lui qui était à qui appartenait l'équipe. Donc, Coupe Mémorial en 2000. Il participe beaucoup là, dans la région du Bas-Saint-Laurent au hockey et au baseball mineur. Okay. Donc, pas seulement au hockey, mais aussi au baseball. Donc, il est très impliqué là, dans la région du Bas-Saint-Laurent. Les joueurs de la semaine, cette semaine, Philippe Cornette, 4 buts, 2 passes en 3 matchs, dans 3 victoires des siens, donc 3 victoires des Huskies, dont 2 buts vainqueurs. Donc, Philippe Cornette, encore une fois, qu'hier, j'ai vu beaucoup pendant le match, qui est un excellent joueur et probablement un des meilleurs joueurs cette année de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et du côté défensif, pour une 2e semaine de suite, Mathieu Corbeil-Thériault, le gardien des Moussettes, lui qui a encore une fois gagné ses 2 départs. Nicolas, t'en parlais la semaine passée. Mmh. Bon, mais crime, 2 autres victoires pour Mathieu Corbeil avec une moyenne de 1 et un pourcentage d'efficacité de 0.971. Lui qui a reçu en moyenne 34 lancés par match a quand même réussi là, à faire mériter à son équipe 2 victoires cette semaine. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles de la LHJMQ pour cette semaine. Attends, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ben, on s'en va en musique. On va aller écouter la chanson Jessica Cock de La Panthère Rose.

Musique Daniel Côté, l'unique dépositaire Gibson à Trois-Rivières, vous offre également des marques telles que Jackson, Ibanez, Epiphone, BC Rich et Yamaha. Musique Daniel Côté, c'est également des guitares acoustiques, de la sonorisation, un département de musique par ordinateur et encore plus. Que vous soyez expert ou débutant, profitez de nos conseils et de notre service hors pair. Musique Daniel Côté, 1645 Royal, Trois-Rivières. C'est fou! C'est fou! Dean Portman. D'où viens-tu? Chicago, Illinois. Toi, Guy Germain. D'où es-tu? Saint-Paul, Minnesota. Toi, Jesse Hall de Minneapolis, Minnesota. Qui es-tu? College Charm, Saint-Pierre. Luis Mendoza, Miami, Floride. Sébastien Proux, Joliette. Fontaine-Louis, Stillwater, Minnesota. Ouais. Qui es-tu? Pierre-Luc Giroux, Québec. Charlie Conway, Minneapolis, Minnesota. Ken Wu, San Francisco, Californie. Je suis Granier, Saint-Hyacinthe. Et je suis Gordon Bombay, Minneapolis, Minnesota. Le conduit de partie. Et c'est la deuxième heure de l'inconduite de partie qui commence. Donc, on vous parle toujours de sport amateur, professionnel et un peu partout à travers le monde. Donc, on est présentement le 17 novembre, je pense. Il fait froid matin. Tout à fait. Il fait présentement 1 degré. 1 degré? Mais c'est du soleil jusqu'à vendredi. OK. Toujours dans les 1-2 degrés. Sauf que je pense qu'ils vont pouvoir enfin commencer à faire un peu de neige sur les montagnes. Sur les avec montagnes. Des températures la comme ça. La pluie vendredi, par exemple. Ah, et que t'es rabat-joie. T'es vraiment une gloria rabat-joie. 7-8 degrés la semaine prochaine. Fait que c'est pas encore prêt. À long terme. Moi, ouais, c'est loin. Moi, ça m'inquiète là, parce qu'on s'est loin un chalet. Nous autres, dans un mois à Stoneham, je me croise des doigts qu'il y ait de la neige parce que. On va être rendu le 17 décembre. Ça devrait être début novembre. Ben, là-bas, il va en avoir de la neige, c'est sûr. On va t'en faire de la fosse. Ouais, mais tu sais, s'il y a trois pistes ouvertes, ouais, c'est moins ça scrape une fin de semaine. C'est donc excitant. Donc, on y va avec la revue de presse. On va en savoir un peu plus ce qui s'est passé dans la région cette semaine. Dans le Midget 3A, les Estacades accueillaient Châteauguay le 14 novembre. Une victoire de 6-3. Dans la victoire, Maxime Saint-Cyr, 1-2. Vincent Marcoux, 2. Francis Turbide, 1-1. La victoire va à Appleby. Aussi, le 15 novembre, il accueillait Jonquière. Une victoire de 4-3 des Estacades. Julien Houle, 2. Saint-Cyr a déculotté le gardien en fusillade. La victoire va à Bibeau. Les Estacades sont présentement premiers à égalité avec le séminaire Saint-François et ils accueillent cette semaine le Collège Notre-Dame, qui par contre, ils ont une défaite de moins que le séminaire Saint-François. Sauf ça quand même avec le même nombre ouais, de points. Même nombre de points, mais une défaite, une victoire de moins. Là, tu gâches mes nouvelles. Ils affrontent le Collège Notre-Dame, qui sont présentement derniers de la section COA. Aussi, il y avait une partie du Caron-Aigué en fin de la semaine dernière, car il y en a une qui avait été annulée contre l'isothermique de Rivière-du-Loup grâce à la H1. Isothermique, c'est Tetformin, excuse. Grâce à la H1N1, on n'aura plus de hockey à jaser dans pas long. Non, ben on n'aura plus rien, on va être mort. Ah, c'est vrai. Tout le monde décédé. Vaccination, tout le monde. Vaccination. Ils affrontaient Saint-Georges pour une deuxième fois d'affilée. Une victoire de 4-3 du Caron-Aigué. Bocage a marqué le premier but en première période en avantage numérique. Son 9e assisté de la Liberté et Mandeville. Cloutier a répliqué pour Saint-Georges. En deuxième période, Bocage marque son 2e but du match en désavantage numérique, celui-ci. Son 10e assisté de la Liberté. La Plante a égalisé le score en avantage numérique, c'était 2-2. Ensuite, Bélanger a marqué pour Saint-Georges, Jesse, de son prénom, son 10e de la saison. Et Joly et la Liberté ont marqué avec moins de 5 minutes à jouer. C'était le 9e de la Liberté. Dans la partie de la Liberté, 1-2. Bocage, 2-1. Victoire à Dallaire. Ouellette disputait son premier match. C'était son retour avec le Caron-Aigué. Il a été blanchi de la feuille de pointage. Cette semaine, Caron-Aigué affronte encore Saint-Georges. Une troisième fois d'affilée. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe. Et finalement, ils accueillent le Saguenay le 22. Nicolas, tu nous parlais du bol d'or. Oui, hey, avant, tu parlais de l'isothermique de Thetford Mines. J'étais à Thetford Mines en fin de semaine. Si bol que c'est lettre comme ville. Il n'y a pas grand-chose là-bas. Ah non, mais c'est des grosses montagnes de roches partout. C'est vraiment pas. C'est reconnu pour ça. Puis tu sais, au moins, quand c'était rentable d'avoir des montagnes de roches, c'était cool, mais... Là, ces temps-ci, un peu moins l'amiante, c'est aussi populaire que René Martel. Donc, allons-y avec football. Le bol d'or, c'était les finales de football scolaire cette fin de semaine. Collégial et juvénile, cadet, Benjamin. Donc, ça se déroulait à Sherbrooke. Pour les quatre bols que je vais vous parler, ça se déroulait au Coulterfield de l'Université Bishop. Et ça se déroulait aussi au Parc Sylvie-d'Aigle, qui est le terrain des volontaires de Sherbrooke, collégial de 2A, division 1. Donc, vendredi, le 13 novembre, c'était dans le Juvenile 3, c'était l'école Benoît Vachon qui affrontait Curé Antoine Labelle. Un bel dégelé, 52-1. Donc, un simple. Ça fait mal. 52-1, quand tu dis c'est les deux meilleures équipes au Québec. Il y avait une bonne écart faut croire que dans le talent des deux. Faut croire que Curé Antoine Labelle était un petit peu meilleur. Samedi, à 13h, c'était le gros bol. Collégial 3A, donc les Spartiates du Vieux-Montréal qui affrontaient les Cougars du Collège Champlain à Lennoxville, donc qui jouaient carrément sur leur propre terrain, directement à Bishop. Difficile défaite pour les Cougars, ça s'est terminé 14-9, donc les Spartiates qui sont de retour au sommet de la Ligue Collégiale 3A du Québec. Eux qui avaient baissé un peu après le départ de Marc Santerre, donc... C'est le retour en haut. Ça a quand même rendu loin un peu. Samedi soir, 19h30, Collégial 2A, Division 1. C'était les volontaires de Sherbrooke qui affrontaient le Cégep Lévis-Lauzon, les Faucons, au Parc Sylvie-d'Aigle. Donc, ils jouaient sur leur propre terrain. Écoutez ça, la gaffe, toi. Le premier touché a lieu à 0 seconde. Vous vous demandez comment, là? Comment, ouais. Comment, hein? La gaffe, OK? C'est Sherbrooke qui kick. Un très bon botté qui sera dans la zone des buts. Et... Le retourneur, pourquoi, je ne sais pas, devait se sentir sur un botté de dégagement, a laissé la balle tomber, il n'a pas touché. Un joueur de Sherbrooke qui a foncé, il a sauté sa balle dans son début, touché. Faire une erreur à ce stade-ci de l'année. À ce stade-ci comme ça, puis hey, écoute, ça c'est une erreur grave. Là. En plus... Il va s'en rappeler toute sa vie. Là. C'est plate à dire, mais tu crois. Puis les Villosa étaient grandement favoris pour remporter la partie. Il y avait plus de joueurs. C'est une jeune équipe Sherbrooke cette année. C'est vraiment une jeune équipe qui finisse au top de même. On peut peut-être s'attendre à les voir éventuellement, peut-être regarder à monter dans le 3A. Ça serait pas une mauvaise chose parce que justement, là, ils ont, ça ferait toute une rivalité avec Lennoxville. Oh, ça serait pas beau. Ça saillirait à la face, là, ça serait affreux. Puis en plus, il y avait un joueur pour Lennoxville, pas Lennoxville, excuse, Lévis-Lauzon qui avait été dire que Sherbrooke, dans les journaux, que Sherbrooke avait la pire offensive, la pire ligne offensive de la ligue. Donc, comme la rivalité est déjà présente, ça serait une ouais, bonne idée. Ça s'aime pas beaucoup. Non, je parle pour Lévis-Lauzon, là, en tout cas. Et dimanche, Collégial 2A, Division 2, Lionel Grou affrontait Limoilou, match serré. Ça s'est terminé 41-36 en faveur de Limoilou. Première année en passant que pour le Titan de Limoilou qui ont été de football, c'est la première année. Ah, je savais pas ouais, pantoute. Ah, ben. Ça promet pour. Félicitations à eux. L'ancien cégep, d'ailleurs. Ah, ben, c'est bon, ça, dans le quartier riche. Ouais. Puis, Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles pour cette semaine. On y va. Combat ultime, boxe. On va commencer avec la boxe parce qu'il y avait un fameux combat en fin de semaine. C'était Manny Pacquiao. Écoute, je pense qu'en partant Cotto, pas grand monde mettait Miguel Cotto gagnant là, là-dessus. Là. Il a fait sa marque à travers la boxe dans les années, ouais, sauf que Pacquiao, c'est quand même Pacquiao. Ouais. Philippin ambidex. La merveille philippine. Ouais. Il l'a envoyé deux fois au tapis, Pacquiao, à 55 secondes de la fin, un KO de la fin du 12e round. 7 titres pour Pacquiao dans cette classe de poids différente. C'est pas mal. Ça va être... Une légende de la boxe, il reste à affronter Floyd Mayweather. Ouais, le combat qu'on attend tous. Combat qui devrait vendre, probablement être un des combats les plus vendus sur télé payante de tous les temps. Ça ne sera jamais vu, c'est sûr et certain. Je mettrais probablement Mayweather favori. Ben, il y en a gros qui disent que non. Hein? Moi, je l'aime bien, Mayweather. Ouais, moi, tout, Mayweather est une vitesse de frappe tellement rapide. Technique aussi. Mais... Une technique, mais Pacquiao est... Écoute, y a-tu quelqu'un qui a juste fait peur à Pacquiao à date? Là? Peut-être en début. Ouais, mais en tout cas... Dans les dernières années, non. Y a-tu parfait, Pacquiao? Je pense que non. Non, je pense qu'il y a une défaite. Hein, j'essaie de me souvenir contre qui. Mais je vais aller voir sur BoxRec. Mais BoxRec, qui est la bible, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est la bible de la boxe. Donc, c'est ça. Donc, moi aussi, j'ai hâte de voir ce combat-là. Reste à voir si ça va se faire. Mais ça va être intéressant. Si ça l'a. Si ça l'arrive. Si ça l'a. En sous-carte, il y avait Daniel Santos qui se battait, celui qui avait enlevé le titre à Joachim Yeltsin. Oui, oui, oui. Santos a perdu déjà sa première défense de titre. C'était contre Yuri Foreman. Il y a 28 victoires, 0 défaites par décision unanime au 12e round. Donc, ça a été une courte gloire pour Daniel Santos. Il y a aujourd'hui qu'on a appris que Eric Lucas se battra le 11 décembre en sous-carte de Pascal Diaconu. Il va affronter Pedro Moyano. 27 victoires, 8 défaites, 37 ans, 15 KO. Lucas, il a toutes les chances devant lui pour gagner ce combat-là. Mais encore une fois, pour Lucas, est-ce que vraiment ça vaut la peine de revenir à ce stade-ci ou c'est seulement parce qu'il aime la boxe? Qu'il aime la boxe ou... écoute, ça reste un salaire, hein? Je veux pas, c'est un revenu. C'est un revenu. Il a besoin pour aider sa fille. Ça, c'est la seule raison pourquoi il est malade. Donc, puis il y a ses business. Il y a la cage au sport, lui, qui est... En plus... Qui a ça. Donc, t'es impliqué là-dedans. On va voir. Écoute, on sait jamais. C'est pas le premier boxeur qui revient à cet âge-là non plus. Là. Il y en a eu d'autres avant lui. Oui. UFC 105, ça avait lieu en fin de semaine. Il y a des UFC à toutes les semaines. Je suis gâté ces temps-ci pour faire des prédictions. Je vais vous dire les résultats. Ross Pearson affrontait Aaron Riley. Aaron Riley a quand même dominé le premier round. Pearson ensuite a complètement déjoué Riley. Une forte coupure. Ça a terminé au deuxième round à cause d'une blessure, arrêt du combat par l'arbitre. James Wilkes se battait contre Matt Brown. Wilkes avait l'avantage au premier round, il s'est épuisé ensuite au deuxième. Wilkes a essayé de pratiquer un Kimura, il a été renversé par Brown. Ça a terminé par TKO de Brown au troisième round, qui a déchaîné plusieurs coups. Bisping, c'est son premier combat depuis sa dégelée contre Dan Anderson. Il affrontait le Canadien Dennis Kang. Surprenant, Bisping au sol, il s'est vraiment fait le mieux qu'il pouvait. Il a réussi à déjouer Kang. Kang a quand même eu l'avantage au premier round, mais au deuxième, un solide KO de Bisping qui l'a rué le coup. Ensuite, il y avait Mike Swick contre Dan Hardy. Le gagnant affrontait Georges St-Pierre. C'est le prochain adversaire de Georges St-Pierre. Swick a dominé le premier round. Les deux autres rounds sont allés à Hardy. Ça a été très serré comme partie. La décision des arbitres, des juges, ça a été Hardy. Surprenant. Okay. Donc, Hardy s'affrontera à Saint-Pierre. Est-ce que Saint-Pierre aura de l'opposition? Pas vraiment. Je trouve que Thiago Alves était même plus que Hardy. Ça avait même pas été proche, là. Du tout. Okay. D'après moi, Saint-Pierre est encore en business, comme qu'on dit. Et il y avait Randy Couture qui affrontait Brandon Vera. Couture a remporté le combat par décision. C'est un peu surprenant. Je pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps. Mes prédictions cette semaine, ça a été 3 sur 5. Ça baisse encore. Ça va pas très bien pour moi. Finalement, cette semaine, c'est UFC 106. Tito Ortiz qui fait son retour à UFC. Affrontera Forrest Griffin. C'est le deuxième combat entre les deux pugilistes. La première avait été remportée par Tito Ortiz en 2008. Ortiz, 16 victoires, 6 défaites. A perdu son dernier combat contre Makida en 2008. Il s'est pas battu depuis ce temps-là. Okay. Griffin, tant qu'à lui, deux défaites à ses deux derniers combats. C'était contre Anderson Silva et Rashad Evans. C'est pas des deux de pique. Donc, je mettrai la victoire à Forrest Griffin par KO au deuxième round. Il y a Josh Koscheck, c'est un spécialiste de la lutte, qui s'est battu contre Georges St-Pierre, qui a gagné son dernier combat contre Frank Trigg, qui est rendu assez âgé, qui a effectué un retour son premier combat depuis 2006. Koscheck, ça, c'est la moumoute blonde. La moumoute blonde. Lui, on le voyait vraiment monter. Tout le monde était bien haut. Quand il a affronté Saint-Pierre. Ça s'est résorbé. Il a affronté aussi Thiago, puis il avait perdu contre Thiago. Deux difficiles défaites. Anthony Johnson qui l'affronte, 8 victoires, 2 défaites. Il y a 3 victoires d'affilée, les 3 par KO. C'est un dur cogneur. D'après moi, Anthony Johnson va remporter par KO au premier round contre Koscheck. Il y a Amir Sadola, un ancien de Ultimate Fighter, qui a 2 victoires, 1 défaite. C'est un athlète très complet qui affronte Phil Baroni, qui se battait dans des ligues plus mineures. Il s'est pas battu depuis 2005. Il se battait dans les ligues au Québec, genre... TKO ou Strike. Des affaires comme ça. 6 victoires, 5 défaites. C'est 4 défaites d'affilée. Phil Baroni, par exemple, c'est reconnu comme un encaisseur, un petit rapide. Là. Il fait un show. C'est vraiment. Okay. C'est Phil the Badass Baroni. Fait qu'une victoire de Amir Sadola, d'après moi, au premier round. Louis Kane, 11 victoires, 1 défaite. Il est très grand, ça va l'avantager. Il a 3 victoires UFC de suite. Il affronte Antonio Nogueira, qui avait battu Randy Couture à son dernier combat. C'est dans les 205 livres, 32 victoires, 5 défaites pour Nogueira. D'après moi, Nogueira va remporter facilement au deuxième round par KO. Caro Parisian affronte Dustin Haslett. C'est les deux qui étaient à Ultimate Fighter aussi. Parisian, 26 victoires, 5 défaites. Les deux derniers combats ont été moyens, mais il s'avait battu contre Alves, fait que c'est quand même très bon. C'est encore chez les 170 livres, fait que ça va peut-être encore être un futur aspirant à Georges Saint-Pierre un jour. Haslett, tant qu'à lui, 14 victoires, 4 défaites. La seule défaite qu'il y a eu, c'était contre Koscheck. Ses deux dernières victoires, c'était par soumission. C'est un spécialiste de la soumission. Aussi en action ce soir-là, Kendall Grove, qui est connu, et Paulo Thiago. C'est pas mal tout pour la MMA cette semaine. Hey, j'ai fait une petite recherche pour Manny Pacquiao. Pacquiao. Donc, 55 combats en carrière, 50 victoires, 3 défaites, 2 nuls. Mais c'est en début de carrière, ces défaites? Sa dernière défaite remonte en 2005 contre Eric Morales. Ouais. Il avait perdu par décision unanime en 12 rondes. Par contre, il a affronté Morales 2 fois par la suite, 2 victoires par KO, les deux au 10e, ben TKO au 10e et KO au 3e round. Depuis ce temps-là, bon ben ses derniers combats, c'est Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez, David Diaz, qui lui est un petit peu moins connu, mais qui avait une très bonne fiche à ce moment-là. Oscar De La Hoya, Ricky Hatton et Miguel Angel Cotto. Ah, il a tué, ça c'était même pas drôle. Donc, mais moi aussi, je pense que je mettrais un petit 2 bien placé sur Floyd Mayweather dans ce combat-là, mais ça serait un combat extrêmement vendeur. Ça va être très intéressant. Donc, on s'en va en musique. On va aller écouter un peu de Dropkick Murphys, un petit peu de punk celtique irlandais de Boston avec la chanson de State of Massachusetts. Vous écoutez La Conduite de Partie sur C'est Fou! A victim of unspeakable abuses. Her husband was violent, malicious, and distant. Her kids now belong to the state of Massachusetts. Et ben me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Dropkick Murphys, The State of Massachusetts. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou et on y va immédiatement au téléphone pour parler football avec M. JP Grenier. Comment ça va, coach? Salut les boys. Salut JP. Salut. Ça va bien, ça va bien? Ben oui. Yes. Donc, football cette semaine. Gros blanc. Fais-tu frais? Ça ressemble à quoi, à la température à Sherbrooke? Je suis pas sorti dehors encore. Mais il fait un gros soleil. Donc, ah ben, c'est une belle journée. Ouais, ouais. Gros soleil, mais il fait froid. As-tu raclé tes feuilles? Non, c'est en appart. Là. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Là. Non, tu pourrais le faire pareil. Ah, j'ai d'autres choses à faire que ça la fin de semaine. Honnêtement. Honnêtement, là. Ouais, c'est ça. C'est bon, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Y avait des gros matchs, des grosses défaites plutôt cette semaine? Il y avait des gros matchs. Je vais commencer par le football canadien. Ah oui, excuse-moi, j'ai NCA dans la tête, mais il y avait de très gros matchs. C'était à la Coupe d'Onsmore. Excuse-moi, c'est parce que j'ai ESPN devant moi. Tu sais qu'ESPN parle autant de football collégial, de football universitaire canadien que nous, on parle de ballet canadien à notre émission. Ouais, bonne comparaison. Ouais, merci. On peut pas en fier aux autres. Moi, je vais vous faire un petit résumé, dans le fond, ce qui s'est passé au Québec en fin de semaine. Puis, je vais vous dire, dans le fond, les matchs à venir avec les forces de chaque équipe. Faire nos prédictions aussi. Parce que, ouais, exactement. On sait qu'il reste 4 matchs. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Donc, il y avait un match à l'affiche. Le Rougeor de Laval qui recevait les Carabins de l'Université de Montréal. Le Rougeor qui l'a emporté 31-7. Je ne sais pas si vous vous souvenez des boys la semaine passée, les prédictions qu'on avait faites. Ouais, je me souviens qu'on était tous unanimes pour une victoire du Rougeor, sauf que les gars sont emportés un peu, je trouve, avec des massacres de 40 points. C'est pas ça qui s'est passé, mais quand pas même... 40 points. J'avais dit ça. Donc, Laval qui gagne 31-7. On peut dire que les Carabins, justement, ont jamais été dans le coup. Là. Il y a encore Sébastien Lévesque, le porteur de ballon du Rougeor, qui a mené l'attaque du Rougeor. Lui, il y a une explosion là, quand il part. Là, c'est phénoménal. Selon moi, c'est le joueur le plus rapide de la Ligue. Ouais, en tout cas, probablement au poste de porteur de ballon, là, c'est probablement celui le plus qui est le... Mais tu sais pas, c'est parce que tu peux avoir de la vitesse en long terme, et lui, c'est une explosion, là. C'est boum! Il sort de la ligne, puis il n'est pas rattrapable. Là. Il est très difficile à attraper. Donc, il a réalisé plusieurs courses importantes. Il a fini le match avec 131 verges, donc c'est excellent, inscrivant un touché. Sinon, Christopher Milo, à qui on a remis le ballon du match avec deux placements pour 45 et 36 verges. Qu'est-ce qui se passait avec Milo, tu sais-tu? Il était blessé à la cheville. OK. C'était-tu avant le match ou pendant le match? Avant le match. OK. Il était pas sûr de jouer, finalement, parce un guerrier. Comme on peut. En plus Montréal, il y a eu un beau rudesse contre le botteur, Le joueur de Montréal est vraiment rentré dans les genoux à Milo, ben comme il faut. Donc, ça n'a pas aidé, ça, non plus, sa blessure. Ben, en tout cas, ça n'a pas... Si y a de quoi, par exemple, ça l'a peut-être motivé, là. Mais pas fort, là comment aller rentrer en kicker, là. T'as mieux, hein? En tout cas, c'est du Montréal. Jouer le jeu de l'intimidation. C'est du Montréal à 100%. Donc, le Rougeor qui voulait venger leur défaite du mois passé, se sont bien repris. Benoît Groulx, toujours excellent, 13-17 avec 216 verges et un touché. Puis on a limité Frank Bruno, le retourneur de beauté de Montréal, qui est excellent avec une moyenne de 14 verges par retour, à seulement 66 dans toute la match. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est Milo sur les beautés de dégagement. Okay. Sorti des balles à la ligne de 14, à la ligne de 4. Bruno n'a pas eu la chance de courir énormément non plus. Donc, c'est sûr que Glenn Constantin a misé son point de match, son plan de match sur cet élément-là. Là. Donc, c'est ça. Pour les matchs à venir, il y avait d'autres matchs dans le fond. Là, c'est comme on est comme rendu au Final Four. Les Dinos de Calgary qui sont allés avec une grosse victoire contre les Huskies de Saskatchewan, 39-38, là. Quel match? Je ne sais pas si vous avez vu les Ils ont un des meilleurs corps arrière du football canadien universitaire. Oui. Eric Glavich, qui est garde des gars 6 pieds 6, 220 verges. Il est énorme. Il y a un bras canon, ça va être à surveiller là, contre Sainte Marie. J'ai bien hâte de voir. Contre son ça. Ancienne équipe. Son ouais. ancienne équipe, oui, c'est ça. Il a été transféré, donc je sais pas vraiment la raison. C'est-tu parce qu'il était pas assez bon? Pour commencer, c'est classe immédiatement qui est écrit. Il a été transféré à l'Université de Calgary pour commencer ses classes. OK, il voulait pas... Il voulait pas aller en intégration. Là. Ouais, mm-hmm. Il appelle. C'est parce qu'il fait un gros programme de philosophie. C'est un philosophe. Ah, OK. Puis, c'est bon. Il trouvait qu'à Sainte-Marie, le programme de philosophie est très, très faible. Oui, ça doit être ça. Vous, à Trois-Rivières, qu'est-ce qu'en dit le programme de philosophie? Ah, écoute, tu te dois de porter un foulard. Béret, très recommandé. Il y a beaucoup de Français qui sont en philo. Ah ouais? Qui ont fait des études. On a-tu un programme de philo? Je pense que oui. Je sais pas. Je pensais pas. J'avais un de mes cours qui avait un étudiant qui avait dit qu'il était en philosophie. Ouf. Ah. Puis d'autres qui avaient fait des études religieuses. Que... Ben écoute, quand tu veux pas de job, c'est cool. Oui. Mm-hmm. En tout cas, ici, le programme théologie et philosophie, un gros 12 élèves. Donc, oui. C'est déjà plus que notre programme en pâte et papier ici, qu'un élève cette année, là, deux élèves. C'est sûrement quelqu'un de l'étranger également qui vient. Non. C'était un. Ça, c'était un. Un gars de la Beauce, ou de la Mauricie. Les écoles, ils filent leur place avec du monde de l'étranger pour justement que les cours se donnent. Là. Ben, ça dépend aussi, là, ça prend du bois dans ton pays. Là. C'est vrai, surtout que Trois-Rivières, on sait, la ville du papier. Ouais, et de l'odeur qui vient avec. L'odeur de chou. Donc, on va revenir au football. Les oui, gars, vas-y. Calgary, on finit dans le fond la saison, 7 victoires, aucune défaite, 1 nulle. C'est leur deuxième championnat consécutif qui se rend dans le Final Four. Moyenne de 40 points par match contre 20... 283 verges par match au sol en moyenne cette saison contre 92, 300 verges par la passe contre 274. Donc, on voit vraiment que c'est une attaque explosive. Je pense que Sainte-Marie sont mieux de se préparer parce que les Dinos, eux, y arrivent comme un rouleau compresseur, comme on pourrait dire. Puis la défensive est quand même là, efficace. Là. Deux fois plus de points marqués qu'accordés. Donc, j'ai hâte de voir ça. Selon moi, les Dinos vont aller en finale contre Laval. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu penses que Calgary pourrait battre le Rouge et Or à Laval? Le Rouge et Or a remporté l'année passée contre Calgary, si je me trompe. Non, l'an passé. C'était Saskatchewan. Ouais, c'était pas Calgary? Saskatchewan. Non, l'an passé, c'était Western. Western Ontario. Ouais, Western Ontario. Ah, OK. Ça va être dur à voir, là, parce qu'on sait que Laval présente la meilleure défensive au pays. Puis que la force des Calgary, dans le fond, c'est l'attaque. Mais je pense que là, c'est ça. Donc, c'est lui qui va faire la différence. Là. OK. Il va falloir qu'il se prépare et étudie vraiment la défensive du Roger Hall, du lieu de philosophie cette semaine. Là. Il va falloir qu'il laisse ses études un peu de côté. Sinon, Sainte-Marie's, ben une attaque assez balancée. Là, une bonne moyenne de verges par la course, là, 192. Par la pause, c'est coussi coussa là, seulement 250. Okay. Sauf que, dans le fond, on réussit quand même à mettre 33,2 points en moyenne par match sur le tableau. Donc, j'imagine que les unités spéciales ont un mot aussi à dire là-dedans. Là, un excellent batteur. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'au deuxième quart, dans leur match, ils ont marqué 114 points contre seulement 11. Okay. Fait que c'est vraiment là, au deuxième quart, qu'ils sont à leur meilleur. Fait que ça va être à surveiller contre Calgary. Sinon, dans le match qui retient notre attention, surtout, c'est Queens à Laval. Queens qui se rend au Final Four pour la première fois depuis 1992. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 1978. Donc, ils vont vouloir leur titre, je pense, eux. C'est à leur tour, les Golden Gales. Gale. On avait dit c'était quoi la semaine passée, des Gales? C'est rapport avec l'Irlande. C'est des Irlandais. Les racines irlandaises ou écossaises. Je pense que c'est plus écosse. Okay, en tout cas, ça a rapport avec l'héritage de l'université. Là. En passant, Laval a affronté Calgary l'année passée à la U-Tech. Ah, la U-Tech, OK. Et Laval avait remporté 59 à 10. OK. Fait que c'est quand même... On les a battus l'année passée. Donc, cette année... c'est ça, parce que c'est un système d'alternance. Donc, cette année, à la Coupe... ici, ça va être la Coupe Mitchell? U-Tech. Ici, c'est U-Tech, OK. Mitchell, ça va être Calgary cette année. À Calgary, OK. Bon, c'est bon. En tout cas, on constate que les Gales, ouais, c'est des Irish. Ouais, c'est des... Irish. des farfadets. Là. Des farfadets. Des roues, là. Donc, des roues. Vas-y, continue. Vas-y, continue, JP. Des roues. Attaque équilibrée, 350 verges par la pause de moyenne. J'ai retenu, dans le fond, Danny Brannigan, leur carrière, qui, au dernier match, 515 verges par la pause. Donc, ça va être le joueur à surveiller pour Queens. Je pense pas que ça fasse peur avec Glenn Constantin, qui a quand même battu Brouillette, qui était, selon moi, le deuxième meilleur carrière dans la Ligue québécoise, puis dans le top 5 canadien. Sinon, c'est ça, là, Queens, je leur laisse pas vraiment de chance. Un peu comme l'an passé, ça va être un match à sens unique. Malgré leur fiche de 7-1, Laval, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, là, sont trop forts. 42 points en match, en moyenne par match, contre seulement 8. Au premier quart, ils ont marqué 123 points contre 14. Donc, je pense qu'ils vont tout de suite vouloir tasser Queens de là, puis mettre le match hors de portée. Queens sont 4-7 dans le Final Four aussi. Fait qu'ils ont 4 victoires, 7 défaites dans leur histoire. Fait que c'est pas trop encourageant non plus. Laval sont 5-3. Donc, exactement. Ils ont, dans le fond, si on regarde l'historique, Laval est encore en avance. Ils ont eu une défaite cette année, mais je pense que ça l'a juste rendu plus dangereux. Si on regarde dans le fond, le ratio touché, marqué, accordé, 39 pour Laval, 7 pour les adversaires. Puis dans la zone payante, là, ce qu'on appelle la zone en dedans de 20 verges, 90% de réussite. Donc, c'est ridicule, là. J'ai bien hâte de voir comment ça va finir. Vos prédictions, les gars, peut-être? Je pense Laval va se rendre... Je pense Laval va se rendre en finale. En finale, ça reste à voir. Je pense que Calgary a une très bonne équipe. Mais Laval devrait l'emporter en fin de semaine et ça devrait être contre Calgary aussi de mon côté. Même chose pour moi, Laval, Calgary en finale. Mais je pense que ça va être un meilleur défi contre les Gills que contre Montréal. Peut-être un 10-12 points de différence. Parfait, excellent. Et toi, on va surveiller ça en fin de semaine. Et le pro? Moi, je dis Laval va l'emporter contre Queens par la marque d'environ 30 points. Ouais! 30 points, on mettra pas trop, on mettra pas assez. Puis, dans le fond, Calgary, moi, je pense qu'ils pourraient se faire surprise par St. Mary's. Là. Je dis ça, là. Je trouve que Calgary, dans le fond, vont être trop confiants du dernier match qu'ils ont gagné contre Saskatchewan. Puis, St. Mary's, ils ont été solides, là. Je les ai vus cette année contre Sherbrooke, ben, dans le fond, à télé, à Halifax. Puis, c'était assez solide, là. Ils m'ont surpris. Je pense que les Huskies pourraient causer une surprise. Ils sont souvent là, eux autres, je pense, à Coupe Vanier. Ouais, ben, le programme de St. Mary's est un des meilleurs programmes au pays, là, avec Laval. C'est les deuxièmes en arrière de Western Ontario, dans le fond. Fait que... Ouais. Donc, si moi je dis qu'il y a une surprise à avoir, c'est St. Mary's qui va battre Calgary. OK. Avec les larmes. Quoi qu'une finale Calgary-Laval serait en toute logique parce qu'ils sont un premier et deuxième au Canada. Donc. Ça serait la logique. La logique serait respectée. C'est la seule équipe invaincue dans la ligue. Avec une nulle. Ah, bon, une nulle. Une nulle. Une nulle. C'est pas chaud. Une premier nulle. Match de la saison en plus. Donc, une nulle. J'ai le terme nulle. Pourtant, c'est pas des. Les prolongations sont pas. C'est différent dans la conférence de l'Ouest. Ben, ça a l'air de différencier d'une ligue à l'autre. Okay. Je sais que dans la NCAA, tu peux pas avoir de nulle, me semble. Ben non. Dans la NFL, tu peux en avoir. Ouais. Dans la Ligue canadienne, tu peux en avoir. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ben, il me semble que non, mais c'est les mêmes. Non, mais c'est le même format de prolongation que dans les college. Je sais plus, là, tu m'en poses. Il faudrait que je vérifie. Si ça se peut, il n'y en a pas bien, en tout cas. On verra ça. Non, mais on espère qu'il n'y en a pas. C'est pas le fun, non. C'est plate. C'est comme COVID interrompu. Okay. Donc, on va aller une pause, JP? Oui. Donc, on va aller une petite pause, on va avoir une petite chanson en revenant. Les gars, c'est quoi, c'est Moukouit qui vous rend comme ça, là? Venant de ta bouche, surtout. En tout cas, je dirais pas ce que je m'en ai dit. donc, on va aller en musique ensuite et on vous revient pour le football NCAA, JP? Oui. Bon, ben c'est parfait, on se revoit dans 2 minutes. Tous les vendredis soirs, C'est Fou vous présente un condensé des pièces les plus appréciées des animateurs de C'est Fou. Les 40 meilleures chansons francophones et anglophones diffusées en rafale, accompagnées des commentaires et de l'humour douteux de Mathieu Plante. Les palmarès C'est Fou, en direct les vendredis soirs de 17h à 20h, à C'est Fou. Découvrez le 6e album du projet Bio Bazar. Futuristic Psychedelic Archives. Disponible partout sur la planète Net. iTunes, Amazon, Beatport, Napster, eMusic. Pour ne nommer que ceux-là. Futuristic Psychedelic Archives, pour un voyage psychédélique dans les archives du futur. Aussi disponible au dannyjanvier.com. Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré au Café Chaos. Ma tante Frère, come on! Plus fort que ça! Les championnats de jam débile de Ma Tante Frac tous les samedis à 13h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM! Je suis fan de poulette, fan de plume. Vous écoutez C'est Fou, la radio de l'université. Ta langue me chatouille. 89.1. Oh, oh, oh, oh. Je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboises et pommes? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru décoder. Ça, c'est de la bonne seconde, framboises et pommes. Elle emmène tout un train talent. Ton père, le sucré, sa majesté. Quelque chose à quoi c'est pas ce qu'il y a d'érange, comme parler puis promener, ça gomme entre ses beaux dentiers. Ça c'est de la bonne seconde, framboise et pomme. Ça c'est de la bonne seconde, t'as le dieu dans mes. Quand une balloune te pète sur le nez, ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. C'était Fred Fortin avec la chanson La Merveille Masquée, un excellent nom pour un lutteur. Donc, il y en a eu une couple de lutteurs qui s'appelait La Merveille Masquée, il me semble, ou de quelque chose masqué. Ouais, il y en avait une couple qui était masquée. Ouais, c'est ça. Alors, ben, les Mexicains sont tous masqués. Pas les Mexicains, ouais, c'est ça. Vader. Non. Vader. Ouais, Vader, tu voyais un peu sa face à travers, puis tout ça. Donc, Kane qui était masqué. Non, il l'est plus. Tout d'un coup, il est plus brûlé. Je sais pas, en fait, une couple d'années, j'ai pas écouté la lutte professionnelle, mais. The Hurricane. J'ai écouté ça quand j'étais jeune, par exemple. Ouais, ouais. Ouais. Qui d'autre? Shawn Michaels. Bret Hart était mes préférés. Doink le Clown. Doink. JP, t'en as-tu un, toi? Moi, j'aimais bien personnellement. Ben Hulk. Ike. Hulk Hogan. Ike Hogan. Ouais, c'est un choix personnel. Là. Gros fan de Scott Hall, moi. De Razor Ramon. Razor Ramon avec son cure-dent. Puis ça, c'était. Un gars avec un chest tout poilu, il y en a un peu dans le dos, un cure-dent puis des cheveux graisseux, c'est tout le temps winner, ça. Ah, oh, c'était intimidant. Il te lançait. Non, il te lançait. Lui, puis. Arrogant. Lui, puis Mr. Perfect qui crachait sa gomme dans la caméra. Ça, c'est la WCW, ça fait longtemps. Ça. Ouais, il reste. Non, Mr. Perfect a été à WWF dans le temps. Avant, vraiment. Quand j'étais plus jeune. Ouais. Quand toi, t'étais plus vieux. À l'époque. bon, on a une émission de lutte. Hey, c'est. C'est super. C'est fort. C'est intéressant. JP, parle-nous de la NCAA. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du football, là? Comme tu l'as dit en début d'émission, dans le fond, beaucoup de défaites là, cette semaine, notamment USC qui perd encore une fois. Ben oui! Stanford, ils sont en feu. Ben Stanford, écoute, mais ça reste Stanford, là, c'est pas un gros programme, là, Stanford. Là. Stanford, ils sont beaucoup plus reconnus pour produire points. Des carrières puis être une école académique. Ben oui, c'est un peu le Harvard de l'Ouest, Stanford. Oui, ils ont un gros programme de golf, ça je le sais, okay. De baseball. Mais non, football, là, c'est une surprise cette année, puis c'est agréable de voir ça. Puis battre USC, c'est toujours agréable aussi. Là. 55-21, c'est la première fois depuis que Pete Carroll est là qu'il mange une déjeune même. Ouais. Puis non seulement c'est la première fois, mais c'est la première fois aussi qu'il n'est plus dans le top 20. Hein. Ouh! Donc, il est rendu 22e au classement. Ben, écoute, deux grosses défaites, là. Stanford puis Washington. Là. C'est pas des bêtes, là. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. On voit que le départ des trois secondaires de ligne partant l'an passé, ça a fait la différence. Puis peut-être qu'il y a aussi un carrière recrue. Un gars de 18 ans entre des gars de 22, 23 ans, ça fait une différence. Ouais. Ça a l'air, ça a brossé un peu après la partie entre les deux entraîneurs. As-tu entendu parler de ça un peu? Il y a Jim Harbaugh à cause que ce qui est arrivé, c'est que... Stanford avait déjà le match dans le sac. Là. Il était en train déjà de battre à plate couture USC. Puis, ils ont fait un touché, puis ils ont décidé d'y aller avec la course. Il a vraiment été arrogant là, contre les Trojans. Donc, Pete Carroll n'a pas du tout apprécié ça. Puis, je pense qu'il avait raison aussi. Là, regarde, ouais. Par respect. Là. Pousse pas ta loque. Parce que là, ils vont le remettre dans la face l'an prochain. Là. Exactement. Surtout que là, Harbaugh, je vous l'ai dit tantôt, mais gars, il vient de signer un contrat de plusieurs années. Ça va bien pour lui. Lui, c'est le frère du coach des Ravens de Baltimore. OK. Ouais. Donc, bon coach collégial, puis regarde, c'était pas correct, là. J'ai bien hâte de voir déjà l'an prochain ce qui va se passer avec ça. Ah, ça va vendre des billets. Il y a comme une loi non écrite que tu fais pas ça. Là. Ben, pousse, mais pousse égale, comme on dit, hein. Comme frapper sur un gars à terre. Là. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Autre match, Pittsburgh qui vont battre Notre-Dame. Donc, USS Charlie qui... le bateau coule encore une fois. Là. Ouais! C'est pas fini de couler, vraiment. Hein, lui, ce qui se passe avec lui, c'est qu'il avait signé un contrat de 10 ans. Donc, Notre-Dame sont encore pognés avec pour... plein d'années, puis en plus, ils ont encore le contrat de l'autre coach qui était là avant. Fait que dans le fond, sur leur masse salariale, ils ont deux entraîneurs, dont un qui coach même plus. Fait que là, peut-être engager un autre coach, là, ça serait encore de l'argent, dans le fond, perdu. Ce que certains disent, c'est que Wise devrait racheter lui-même son contrat, puis retourner pro, peut-être genre avec Belichick ou... Pourquoi, une autre équipe de NFL. Pourquoi il rachèterait lui-même son contrat? Il a quoi à gagner? Hey, là, il est en train de perdre la face. Ouais, mais il perd pas d'argent, par exemple. Belichick, pas Belichick, mais Charlie Weiss fait de l'argent en masse là, avec Notre-Dame. Là. Bah, c'est sûr que c'est de l'argent garanti. En ayant un contrat de 10 ans, je pense que l'équipe n'a pas le droit de te congédier, mais peut pas mettre fin au contrat. Non, tu payes jusqu'à la fin du contrat. C'est un contrat. Mais gars, t'as donné un contrat de 10 ans, assume. Ça, c'est vrai. Assume à un moment donné, parce que... En tout cas, c'est mon avis. J'ai bien aimé dans ce match-là Golden Tate, le receveur des Fighting Irish, qui est selon moi la prochaine grande vedette collégiale, comme un peu Reggie Bush l'était à l'époque. Ben, je trouve qu'il y a un nom vraiment winner. Là. Golden Tate, là. En plus, avec l'historique de Notre-Dame, avec le Golden Dome sur le campus. Puis ajoute un S à son nom, puis c'est une mauvaise équipe de basketball. Là. Ouais. Golden State. Donc, c'est ça. Lui va être à surveiller pour les années à venir. J'ai vraiment aimé, mais le Pittsburgh ont été trop forts en fin de semaine. Puis ils jouent au Winfield chez eux. Donc, c'était le match qui était présenté samedi soir. C'était quand même intéressant. Là. Notre-Dame qui, quand même, à tous les matchs, comme d'habitude, ils reviennent tout le temps. Donc, j'ai vraiment aimé ce qu'ils nous ont montré, Pittsburgh. Et sinon, Iowa sont inclinés contre Ohio State 27-24, ainsi que TCU ont écrasé Utah par la marque de 55-28. Mais ouais. On avait dit, moi, personnellement, je pensais que Utah allait être la seule adversaire un peu potable que TCU qui restait d'ici à la fin de la saison. Non, c'était finalement peut-être pas si potable. C'était potable, imagine ce qu'il l'est pas. Et en terminant, les gars, pour les bowls, ils sont sortis. Oui. Pour le championship, on met Alabama contre Texas et Florida, qui n'ont pas encore perdu son numéro 1, sont quand même relégués au Sugar Bowl, qui va être contre Cincinnati. Sauf que ça n'arrivera pas, ça. C'est niaiseux, là, comme sortir ça, là, ou en tout cas faire des prédictions. Je veux dire, Alabama, Florida, faut qu'ils s'affrontent. Oui. Ils s'affrontent à la fin de la saison, à moins qu'il y en ait une qui perd d'ici là. Ça va être un des deux qui va aller contre Texas. C'est quoi la partie cette semaine de Florida, au fond? Florida, cette semaine. C'est contre Florida International. Ouais, Florida International. Ça représente. C'est une université de très bon niveau. Qui est de bon niveau? Absolument rien à crier au loup, là. Ou rien. C'est pas. Dans le fond, ce que ça l'indique, les bowls, c'est que tu sais que ta session, il en reste plus gros, là, quand qu'il annonce tout de suite ça, les bowls pour le mois de décembre, janvier. Donc, la session va vite. Donc, sinon, à retenir, USC qui sont encore dans le BCS, ça, je trouve ça bizarre, sont 22e. Oh, ben, c'est ils mettent encore là. C'est les journalistes, tout le temps les fameux journalistes qui. À Los Angeles. Qui sont. Ouais, ben, qui ont des favoris, là, puis c'est tout le temps les mêmes. Demande-toi pas pourquoi TCU puis Boise State, ou pourquoi depuis des années Boise State gagne sont incapables d'aller chercher un gros match, même cette année. Présentement, ils ne mettent même pas dans le BCS. Ben, c'est ça. Ça en dit long, là, parce que. Ils sont invaincus. Invaincus, puis là, ce qui arrive, c'est vraiment qu'au niveau de. T'as un règlement qui dit que l'équipe la mieux classée, si elle est classée dans le top 10, si je me trompe pas, qui est pas. Ou top 5, excuse, en tout cas, puis qui est pas dans les grosses conférences, dans les conférences BCS, elle a automatiquement accès à un bowl BCS. OK. Sauf que là, vu qu'il y en a deux, il y a TCU puis il y a Boise State, ben là, ils savent pas. Là, ils vont faire passer quelqu'un qui a une défaite avant eux autres, là. Ça va faire du trouble. Je suis pas capable de les trouver pantoute dans les bowls. Là. J'ai toute la liste devant moi, puis je suis même pas capable de. Ah oui, le 23 décembre, point Saint-Tia. Ah, wow. Hey, tu veux-tu perdre de l'argent ben comme il faut, là? T'as-tu idée de la différence d'argent que ça représente pour ton université, ça? Contre qui? Environ 30 contre Utah. Millions, à peu près. Utah qui vient de se faire planter par TCU. Utah là. Et contre Boise State en fin de semaine. Non. Si, selon le classement, selon les positions au niveau des conférences puis tout, Boise State, vu s'ils font pas un BCS, vont se retrouver au Poinsettia Bowl. OK? Mais cette semaine, Boise State affronte Utah State. OK, ben ça, c'est une autre. C'est pas la même équipe. Okay, c'est pas la même équipe. Donc, Pierre-Luc, je te pousse un peu vu que le temps presse. À part de ça, c'est JP. C'est JP. C'est pas mal tout cette semaine. Là. J'ai marqué deux matchs importants. Michigan contre Ohio State, le rendez-vous annuel. Mm-hmm. Et Californie contre Stanford, là aussi un rendez-vous annuel qui va être à surveiller. Parce que les trois équipes de tête cette semaine n'ont pas des gros défis. Là. Justement, Florida, c'est Florida International. Texas, c'est contre Kansas. C'est déjà. C'est pas débile, là, pareil. Là. Le match est à ABC. Et t'as Alabama qui affronte Chattanooga, qui est une équipe de football, comment ils appellent ça, FBC, Football Championship Series, là, l'ancien 2A, dans le fond, donc ça va être intéressant à voir. All right. T'es bon? Yes. Allez, ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci. Donc, merci beaucoup, JP. Bonne semaine. JP. Je me trompe tout le temps, les gars, il va falloir que vous changiez de nom. Ouais, toi, on va se changer de nom. JP, tu deviens Alain, puis Pierre-Luc, tu deviens Rodrigue. Ouais, donc, c'est bon. J'aime bien ça. Donc, et on retourne à Jacques, c'est la passerelle. Donc, cette semaine, le calendrier, allons-y. Pour les Patriotes, trois matchs. Ils affrontent Concordia cette semaine, mercredi. C'est à 20h à Montréal. Ça devrait être une victoire facile. Ils affrontent ensuite York, ici même, à Claude-Mongrain, vendredi soir, 19h15. Et ils affrontent UIT samedi 13h45 à Claude-Mongrain, encore une fois. C'est les derniers matchs à domicile avant la pause des fêtes. Football, donc Calgary-St. Mary's, C'est la Coupe UTEC Bowl. C'est à 1h de l'après-midi, temps de l'Atlantique. Par contre, ça va être montré en retard de 4h. Ça va être à 4h de l'après-midi plutôt à TSN, samedi et à minuit à Radio-Canada. Donc, Radio-Canada qui présente notre match. Je suis extrêmement surpris. Et la Coupe Mitchell. Donc il y avait une erreur tantôt. C'est la Coupe Mitchell que Laval va affronter contre Queens. C'est à Laval. C'est à 1h p.m. C'est pas à Laval. C'est à Queens. Excuse-moi, t'as totalement raison. C'est à Queens. Ça va être sur TSN et sur Radio-Canada à 1h. Junior-Major Pierre-Luc. Junior-Major, les Cataractes reprennent l'action ce vendredi soir contre les Remparts de Québec. Le match est à 19h30. Ce samedi, ils seront à Montréal, à l'Auditorium de Verdun pour affronter les Juniors de Montréal. Du côté des Tigres, ils sont à Gatineau vendredi et ils reviennent du côté de Victoriaville dimanche. Alors, pour recevoir les Moussettes d'Halifax, le match est présenté à 16h. Et les Voltigeurs ont deux matchs cette fin de semaine contre des équipes des Maritimes. Tout d'abord, Saint-Jean ce vendredi à 19h30 et Halifax ce samedi à 19h. Parfait. Et finalement, deux autres choses. Bon, premièrement, finale de l'Est, les Alouettes contre BC dimanche au Stade Olympique. Il reste encore 9000 billets. L'inconduit de partie sera présent au match. Et finalement, je vous invite à ne pas manquer les francs-tireurs à Télé-Québec 8h demain. C'est Éric Gagné qui va être là, qui va discuter beaucoup de doping et de tout ça. Peut-être lancer quelques potins. Donc, on va voir ça. Hey, c'est ce qui conclut l'inconduit de partie pour cette semaine. On vous remercie beaucoup d'avoir été là. On se laisse en musique avec la chanson Bois vert de Vanessa Pariteur. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.